Doublette suivante, E enchaîné à Fardeau. Là, on est sur une formation francilienne, puis une formation qui nous vient de Lille. On est tout d'abord avec E sur un trio screamo, punk hardcore, post-hardcore même, d'inspiration très forte de Birds in Row. C'est viscéral, mélancolique et forcément chanté en français. Et en doublette, nous aurons Fardeau. Là, on est sur du black avant-gardiste qui nous vient donc de Lille, d'inspiration d'Espel Omega et Houthoth. C'est dissonant, c'est menaçant, c'est violent, tout ce qu'on veut. Et au niveau du line-up, on retrouve le tapeur fou Matraque qui tape donc dans Dark Old Slave, Sublime Cadavre avec décomposition, et qui apporte cette petite dinguerie dont il a secret, une touche de brutalness dans le black metal lourd et pesant de Fardeau. Et ma foi, la recette fait méchamment bien le taf. Eux, on s'écoutera le titre Peste et Croyance, cet extrait de l'EP Morsan. Fardeau ensuite, Aube dernière, extrait d'album The Den Have Become an Abyss. Et c'est parti. You are not home, you land. La doublette à venir nous fait cependant déjà quitter l'aspect française, un peu courte en termes de quantité de groupes à diffuser, mais avec des morceaux aussi généreux que ceux de Moonreich, forcément ça limite les possibilités. Une doublette qui va nous faire creuser le bitume, tout d'abord les franciliens de Cohésion, un petit all-star band voilà, de la scène hardcore au sens très large, venu de région parisienne. L'EP est passé en mixage par le bassiste de Sorcerer, voilà, vous voyez un petit peu la scène qui gravite autour de Cohésion. Puis il faut dire que musicalement ça tabasse, toujours un petit peu de mal avec le chant. A noter que pour son premier concert, Cohésion aura l'opportunité d'ouvrir pour la date Speed et Zulu, une date organisée par Aracasso le 19 juin, et en doublette avec Cohésion, encore une formation californienne, Spin Breaker. Tout à l'heure on parlait de Drain avec des membres de Gulch. Pour rappel, Gulch n'existe plus, et chacun s'en retourne à ses petits projets initiaux, puisque voilà, dans Spinbreaker, on a les deux gratteux qui étaient membres de Gulch, dont un, Elliot Morrow, n'était autre que le vocaliste, hein, cette espèce de grain de sable associé à un glavio tout le temps dans le fond de la gorge, et également un membre de Tsunami qui tient la base dans Spinbreaker, voilà, donc on est sur un death hardcore bien agressif, bien baveux, avec même quelques petits relents suédois. Voilà, un EP 6 titres, pareil, dans une petite veine Get Creeper, mais encore plus crado. Voilà, les présentations sont faites pour la doublette arcorisante à venir. Au niveau de la présentation des titres qu'on va s'écouter tout de suite, nous avons donc Cohésion, le morceau Human, extrait de l'EP Hail to Die On. Spinbreaker, également extrait d'un EP Cavern Inoculated Cognition. On s'écoutera le titre Bone Riddling Necrosis. Et ben, c'est parti! Yeah! Dawn of Ouroboros, c'est le nom du groupe qui ouvre la doublette suivante. Dawn of Ouroboros, ça nous vient encore une fois de Californie. Ils viennent de sortir leur second effort studio chez Prosthetic Records. Là, on n'est pas sur du death, on est plutôt sur du black, post-black, un peu prog même. On a une base du coup même rehaussée d'éléments mélodiques, de lignes de clavier. C'est une femme qui tient le micro. On est sur un timbre assez agressif et criard avec quelques lignes de chant clean. Voilà, on peut rapprocher ça par exemple d'un néo-obliviscaris mais avec des éléments black metal beaucoup plus marqués. Et en doublette, nous avons Death Chasm, encore une nouveauté pour ce soir. Cette fois, on est sur du death metal, non pas venu de Californie, mais d'Italie. C'est une chanteuse-guitariste qui tient la barre. On est sur un power trio de death sale, radical. On peut rapprocher ça d'un Corpse's Dead Congregation. C'est rampant, caverneux, ça rigole zéro. Voilà, une trentaine de minutes et voilà, c'est hyper intense la musique de Death Chasm. Au niveau des morceaux qu'on va s'écouter, Dawn of Ouroboros, Velvet Moon, extrait d'album Velvet Incandescence, Death Chasm, In Aberrant Obscurity, extrait d'album Sublimis Ignotum Omni. Et c'est parti! Thank you. On approche tranquillement de la fin de l'émission de ce soir. Vous êtes toujours sur les ondes du 93.6, les ondes de Radio Béton à l'écoute d'Albanger. La doublette à venir est une doublette de nouveautés. Bloodstar, tout d'abord, on est sur du Heavy Hard qui nous vient des US, actif depuis 2017. La formation vient de sortir son premier album studio après quelques bouts de singles par-ci par-là. C'est une femme également qui mène le groupe à la guitare. On retrouve notamment l'un des fondateurs de Visigoth. Voilà. J'ai lâché l'indice principal. On est donc sur du heavy plutôt à l'ancienne, du heavy très américain, tubesque, plutôt léger, hein, et dans une veine Night Demons, et bien évidemment Visigoth au niveau de la musique de Bloodstar. Et en doublette, nous aurons une autre formation suisse après Burning Witches tout à l'heure, Ernt. On est sur un duo black metal actif depuis seulement 3 ans. Et on avait diffusé le premier album l'année dernière. Voilà, ils sortent là leur second effort studio. Plutôt généreux, hein, 50 minutes au total, des morceaux qui font 5-6 minutes. C'est cru, occulte, un peu atmosphérique, ça exprime pas grand chose, sinon la radicalité, la hargne, c'est criard, le chant de la vocaliste. Et voilà, ça plonge dans une ambiance vraiment bien morbide. Bloodstar, le titre All for Nothing, extrait de l'album First Sighting. Ernt, ensuite le titre Phantoms, extrait de l'album Abzegen. Et tout ça, c'est déjà dispo. Yeah. Et c'est l'heure de la dernière doublette pour ce soir. Ne partez pas tout de suite, on s'écoutera un dernier groupe après cette... Dans cette dernière doublette, on a encore une petite nouveauté. Il s'agit de Abolish. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette formation qu'on rentre tout juste dans l'émission ? C'est du death, ça nous vient de Ankara, en Turquie. Ils viennent de sortir leur premier album studio. On est sur un 7 titres, donc soit c'est généreux, hein, ils dépassent les 5 minutes pour la plupart. Du death bien caverneux, avec des inspirations un peu doumisantes. Et un peu comme Death Chasm, c'est une femme qui tient le micro. Tout comme Death Chasm, faut le deviner, tellement elle en impose vocalement. Au niveau de leurs influences, on peut citer Grave Miasma, Disma, bien évidemment, et même Cerebral Rot. C'est du death bien violent, sale, rampant. Et voilà, ça nous vient donc de Ankara. En doublette, nous aurons la formation tunisienne Ayour, on est sur du Black, Black Doom même. Le batteur, ce n'est autre que Monsieur Chakzoul de Manzer, voilà, qui a enregistré tout cet album de Ayour. Présentation musicale, Abolish, le titre Pervert Divine Doctrine, c'est l'album From the Death, également une sortie FDA Records, tout comme Death Chasm. Ayour ensuite, Stratagems, c'est l'album Prevail. Lui bien évidemment dispo sur Amé de la Mort Records. Et c'est parti. Yeah. Et voilà, c'est l'heure de se quitter, le temps de s'écouter un dernier morceau pour ce soir, Fatuous Romp, le groupe de Brutal Slam Death Grind 10 ans qui nous vient de Taïwan, toujours emmené par l'incroyable vocaliste Larry Wang. Très prolifique, hein, le groupe, ils nous sortent I Am At Your Disposal, toujours chez Brutal Mind. Ça groove, c'est violent, c'est débile, on adore. Wherever We Are Opened, We Are Red, le titre de Fatuous Romp que l'on s'écoute tout de suite pour clôturer l'émission de ce soir. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Et rendez-vous bien évidemment dimanche prochain. Ciao, ciao.